Je ne ressens plus la douleur. Je ne ressens plus la douleur. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Seulement qui en cœur moi, c'est vous. Si vous voulez en québant tout tout doux. Seulement qui en cœur moi, c'est vous. En québant tout tout doux. What boy you do, so do, so do. Oh, fais pas passer moi, dis. Tellement doux, so do, so do. Je me surprends à sourire toute seule. Je repense à nous deux pendant des heures. Et quand j'ai pas le moral, je pense à ta douceur. À tes lèvres sur mon corps et joie de toutes les couleurs. Babe, je ne ressens plus la douleur. Je aiderai tes côtés à toute heure. Je fonce sous ton charme avec ton regard de tueur. Mon cœur fait ce que tu veux de moi, n'aie pas peur. Et mon corps est à moi. Je ne m'en lasse pas. Je pense à toi. Ça ne va pas. Et comme par magie, ma douleur s'en va. Je ne me vois pas faire ma vie sans toi. Why you do so do so do? Oh, be papa si moi dis. Tellement do so do so do. Oh, be papa si moi dis. Why you good do good do good? Yeah, yeah. Tellement good, tellement doux. Boy, you good. Avant ça, on bat des gagouets au coup de foudre. Baby, vous savez que la vie a trop coûte. C'est à côté où on les vend, c'est coûte que coûte. Oh yeah. Un pack à faire roll. Bad boy, you can fait moi fait le control. Anti la piscite, l'en coller en l'école. On mélodie l'amour en doré, mi fa sol. Yeah. Les membres, on va perdre la raison. Boy, you can pas moi chaud, ou pas bon moi frisson. Là pour moi, qu'à fondre dans toute position. Ou ça va en pas du ou non, fais moi une proposition. En pampé par refusé, on y passé à l'action. Boy, quand on s'y crée, fruit de la passion. Chérie, on y tous à moi aimé. Doudou, on est parti, et puis, on n'a pas qui direction. Boy, you do, so do, so do. Oh.